Tu gis sur ton trône comme un chat bête qui grogne, lançant le fouet de sa queue là où la révolte se meut. Un château Amadou, tu grimaces déjà, Barbatora, Barbatora, Barba quoi, je me le demande. Barbasso, Barbaïro, Barbapora, Barba quoi, Barba foué, Barba torture, Barbatora, c'est sur le peuple d'Ora. Barbasso, Barbaïro, Barbapora, Barba quoi, Barba foué, Barba torture, Barbatora, c'est sur le peuple d'Ora. C'était l'âge qu'on te nomme comme un pacha déjà, comme s'il est Allah, étouffez-les, je crève. Aladdin, laisse-la ta pieuse et sale besogne. Birawando, Birawando, c'est Allah, âge qu'on te condamne. Barbasso, Barbaïro, Barbapora, Barbaboua, Barbafoué, Barba torture, Barbatoura, c'est sur le peuple d'Ora. Barbasso, Barbaïro, Barbapora, Barbaboua, Barbafoué, Barba torture, Barbatoura, c'est sur le peuple d'Ora. Certains vont comme des ivrognes, mais c'est toi que l'on dénomme, c'est toi le bituré qui en a fait des machines sans cervelle, sans essor, des somnambules que tu annules, le bituré dans tes prisons de quartier. Barbasso, Barbaïro, Barbapora, Barbafoua, Barbafoué, Barba torture, Barbatoura, c'est sur le peuple d'Ora.